Question beaucoup de patinage de vitesse sur contre-piste, en fait, évidemment, parce qu'il y avait les compétitions nationales à Montréal. On va parler avec Robert Dubois dans quelques instants. Mais ici, il y avait une compétition de groupe A, et où ce que Karina Momeyi de Dolbeau Mississini a très bien fait. Mike Robinson également de Mastuyache a bien fait. On en parle avec notre collaborateur sur le du côté régional, David Simon. Salut, David! David, en fin de semaine. D'abord, parle-moi de cette compétition-là. Ça servait à quoi? En fait, cette compétition, c'est une compétition au niveau provincial. Donc, c'est un niveau qui est situé entre mon niveau provincial élite, comme on parle depuis plusieurs semaines, et aussi juste après un niveau interrégional. Fait que c'est un niveau, là, c'est des prochains patineurs à devenir, c'est des jeunes patineurs ou des nus comme Karina Momeyi qui patinent quand même sur la scène nationale, donc sont jeunes, mais sont capables de performer. C'est une compétition qui regroupait les deux secteurs, donc c'est un peu un championnat de mi-saison pour le secteur Est et Ouest du Québec. Donc ça regroupe tous les patineurs du Québec qui sont là. C'est un championnat. Puis là-dessus, il y avait une incidence. Donc dans le groupe 1 masculin et féminin, les quatre premiers patineurs montaient au niveau élite, ceux qui réussissaient à se classer. Là, okay. Donc, ça veut dire que Karina, 15 ans, troisième place, c'est quand même je me trompe-tu en disant qu'elle a énormément de potentiel? De là à dire normalement, on ouais, se compte qu'elle est encore jeune, mais oui, elle a du potentiel, c'est une fille déterminée. Malgré que tu sais, il y a pas beaucoup de patineuses qui ont été sélectionnées dans le circuit national cette année quand elle est son jeune âge, c'est 8 ans, et elle a réussi à se faire classer par les temps, fait qu'elle est quand même assez potentiel. Là, ce qu'on est en train de travailler, c'est de la peaufiner pour qu'elle soit encore meilleure. Donc là, on va tomber au niveau élite. Donc, c'est ce qu'on travaille présentement là, pour ce prochain exercice. C'est un objectif d'année pour elle de monter à cette compétition-là. En fait, c'est teint aussi, quand on dit jeunesse, c'est teint aussi longtemps que la courbe. On ne connaît pas la courbe. C'est là qu'on sait pas vraiment où est-ce qu'on est branché. C'est après le pic de croissance. Ouais. Chez une fille, on va commencer à le voir les potentiels d'athlètes à ce niveau-là quand même. Fait qu'elle a quand même, on l'a été quand même détecté, si on pourrait dire, là, c'est un grand mot, mais on pourrait dire que oui, mais tu sais, comme Marianne Guy qui est arrivée septième, c'est pas une si mauvaise place que ça, elle aussi, elle menait, elle pourrait être aussi bonne. Okay. Fait que, il y a pas de, tu sais, c'est beaucoup la sélection aussi qui se fait, puis plus il évolue, plus leur maturation est avancée, plus on est capable d'avoir un athlète qui va être, une bonne détection, puis ça se voit environ vers la fin du secondaire, début cégep. Fait que c'est pour ça qu'on. Je dis qu'il y a encore le temps. Elle rentre dans son R4 l'année prochaine. Fait que, on est encore beaucoup. Donc, si je comprends bien, Karina va aller rejoindre Maud Tremblay, ensuite de ça, tout ça là qu'on connaît. Là, Gabriel Paquette, oui, effectivement. Les filles. Les Tremblay de Saint-Fitien, puis qu'on a une bonne gang, là. Léonie et Rosalie. Léonie Bradette. Léonie Bradette. Elle tombe un peu dans les grosses équipes, c'est ça. Elle tombe un peu dans les 40 meilleurs patineurs. Mike Robertson, groupe 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire le groupe juste en dessous? En fait, comment c'est classé? C'est classé sur le pointage. Okay. On a plusieurs patineurs, il y avait 110 patineurs. Autant aux filles, fait que c'est des groupes de 7 patineurs, puis on descend. Fait qu'il y a un premier groupe qui est fait, puis après ça, pour permettre à tout le monde d'avoir une victoire dans certaines semaines, on sépare les groupes à un certain point. Ce sont les pointages. Puis ça nous donnait 3 groupes féminins, 3 groupes masculins dans cette compétition-là. Okay. Mais Maïka, à partir de loin cette année, elle fait beaucoup de longue piste, Maïka, fait qu'elle performe beaucoup longue piste. Elle a gagné dernièrement justement une compétition, elle est arrivée une troisième position. Fait que tu sais, le courte piste, pour elle, c'est comme c'est son moyen de s'entraîner pour la longue piste. Mais à ce moment-là, c'est peut-être plus de pression, là. En diminuant cette pression-là, elle commence à reprendre à aimer le courte piste. Fait que là, ça fait un effet contraire. Ouais. Fait que c'est très bien. Fait que pour elle, oui, un exemple, un deuxième groupe, ça lui permet d'avoir un bon résultat, ça permet d'avoir une victoire, même chose pour Mélina, puis Emmanuel Robinson, qui sont arrivés quatrième dans le même groupe, eux autres, ça leur permet de leur donner une motivation, de dire, ben là, la prochaine compétition, je suis capable, je vais s'améliorer, je suis capable d'aller chercher un peu plus. Fait que c'est un peu le pourquoi du groupe 2. Est-ce que c'est, même groupe, je veux ton avis là-dessus, c'est-tu une bonne affaire pour ces patineuses-là qui font du long piste et du court piste? Je m'explique, Catherine Mailloux de Saint-Félicien, moi, je l'ai fait longtemps, je la suis, Catherine, et elle a fait du long piste, elle a fait du court piste. L'an dernier, j'avais posé la question, elle me disait oui, ça me sert, mais quelque part, ça hypothèque pas un peu le corps aussi, là? Non, en fait, le long piste, c'est un sport qui va se développer à long terme. Si on regarde les Liégeurs, ça fait 2 ans qu'ils commencent le long piste, ils performent déjà sur la sélection internationale. En fait, c'est un sport complémentaire, je te dirais, au patinage de vitesse. C'est un choix qu'a fait Romaïka s'entraîne quand même en courte piste, à pas le choix. On n'a pas de place, on a pas de place en deux dans le long piste au Québec, au Saint-Lac-Saint-Jean. Mais ça leur permet de développer une agilité. Fait que les patineurs de courte piste qui s'en vont en longue piste sont réputés pour avoir des bons virages efficaces. C'est sûr que le droit est peut-être les moins, mais c'est justement, eux autres s'entraînent dans la longue piste en faisant des droits, exemple, en améliorant leurs droits. Fait que quand ils reviennent en courte piste, ils améliorent la seule droit. Fait que c'est un peu un complémentaire. Okay. Et tant il y a aussi longtemps qu'on n'a pas performé, exemple, en courte piste qu'on ne choisirait pas, exemple, bon, mais je suis rendu niveau national en courte piste, mais là, venu, je vais faire un choix, je vais choisir la courte piste, à peut-être me concentrer dans un sport. Mais avec les entraîneurs qu'on a au Québec, on est tous des entraîneurs qui sont très bien formés. On est capable de gérer les volumes d'entraînement et tout ça, puis tout le monde peut bien faire dans les deux sports. Donc, Maxime Simard de Dolbeau aussi. Parle-moi de lui. Maxime Simard de Dolbeau est arrivé 8e, ouais. Je crois. Attends, c'est pas 10e? Je vais aller voir mon résultat pour moi, pas... Je vois 10e, moi. Moi, 10e, moi, c'est ça. Maxime, il a eu des bons résultats au début de l'année, tout le long de la saison. Durant les fêtes, il y a eu des petits problèmes. Puis que là, présentement, là, c'est son retour à l'entraînement. Il a pas des bons entraînements depuis 3 semaines. Maxime, je pense qu'il a été capable d'aller plus haut. Il a quand même réussi à aller dans les finales-là, mais le groupe des gars masculins, il est assez difficile. Le groupe des gars est très relevé au Québec. On a des patineurs, on a beaucoup plus de patineurs masculins aussi. C'est très difficile d'aller chercher des points, mais Maxime, très bien compétitionné quand même. Il a fait des finales B, il a réussi à faire une finale, il a coursé. Pour moi, Maxime, du côté masculin, c'est un très bon résultat, une 10e position au niveau du premier groupe. Ça le met quand même un bon point. Puis c'est une évolution qu'il y a cette année. Maxime, cette année, l'année passée, il était pas à ce niveau-là. Cette année, ça a été comme une surprise pour lui d'être rendu là puis de réussir à gagner des courses, exemple, dans notre secteur, des compétitions, puis à arriver des 3e positions. Fait que moi, pour lui, Maxime, c'est une bonne progression. C'est la première gros événement qu'il vivait dans un gros groupe, que c'était difficile, puis très bien répondu à la demande. Tu parles de patineurs, que c'est beaucoup plus masculin que féminin. C'est quoi le ratio? Ben, en fait, c'est pas nécessairement un ratio. Okay. Je dirais que, mettons, au niveau du, exemple, au niveau élite, il y a 60 patineurs masculins et environ 45 patineurs patineuses féminines. C'est sûr que, mais ça vient par bourré. Hein. À un certain moment dans ma carrière de patineur, il y avait beaucoup plus de filles que de gars. Fait que dépendamment là, des générations, ça varie. Là, c'est sûr qu'on a beaucoup de au niveau masculin, mais la compétition est quand même relevée. Quand tu arrives rendu à un certain niveau, la compétition est relevée, peu importe le c'est féminin ou masculin. On est tout le monde sur un groupe, puis la compétition est assez difficile. Dernière question, une nouvelle qui est sortie hier par l'entremise de Dave Hensley du quotidien du Progrès Dimanche. Je vois ta réplique, puis ta réplique, et je vois ce que les gens ce matin ont dit. Honnêtement, est-ce que ça va vraiment briser le patinage de vitesse, le développement du patinage de vitesse? Moi, je te dirais oui. Parce que, comment que la structure de fédération est faite, on a une progression en pyramide. Puis, les centres régionaux d'entraînement qui sont dans les centres olympiques, dans les anneaux des glaces olympiques, soit à Québec, à Chicoutimi, il y en a un dans le coin de Matane, il y en a un dans le coin de Drummondville, il y en a un dans le coin de Sherbrooke, il y en a dans plusieurs régions du Québec. Ça permet de recouper les meilleurs patineurs de ces régions-là. Puis c'est une étape avant d'arriver aussi dans les centres nationaux. Soit dans les centres de développement comme Marc Gagnon, on s'était déjà passé, là, au centre régional de l'Est du Canada, où ce que nos patineuses vont souvent. À rendre au cégep ou après la deuxième année de cégep, et après ça, d'avoir l'équipe nationale. Ôter ce circuit-là, nos patineurs sont vite exilés pour aller patiner dans des centres régionaux, exemple, à Québec et Montréal. Fait que, ça veut dire qu'à 12-13 ans, là, tu te dis, t'es un jeune en secondaire 2, secondaire 3, bon, ben, secondaire 1, bon, ben, faut performer, là, si tu veux performer vraiment, mon homme, là, faut être à l'extérieur, là, on n'a plus de glace olympique pour toi. Si tu veux vraiment aller, c'est vraiment là, pour aller chercher une meilleure vitesse, tout ça. Oui, on peut quand même s'entraîner sur une glace nord-américaine. Mais on ne pourra jamais faire les mêmes types de vitesse. On ne pourra jamais faire le même niveau de sécurité. Ça va nous enlever beaucoup. Puis ce que je dénigre un peu de la ville, c'est ça, c'est que ils ont développé des arénas dans les dernières années, parmi les plus belles. Si tu regardes notre aréna de Lucas quand je suis venu. Moi, je parle de Ville-Saguenay parce que je suis ici. Si tu regardes l'aréna de la baie, qui est justement l'aréna Valérie Matin, il aurait pu nous consulter d'avance en disant, mais regarde, on a un projet de faire une glace nord-américaine. On peut rénover ces arénas-là. Tant qu'à construire, on va mettre un montant X de plus pour faire un aréna olympique. Puis vous, on vous transférez là. Est-ce que ça vous dérange? Non. C'est sûr que Pour une région comme nous, exemple au Centre Gagnon, les compétitions qu'il y a ou le club des Comètes de Chicoutimi, c'est un peu une arrivée d'argent pour payer le salaire des entraîneurs, pour payer des choses, c'est un moyen de financement aussi des compétitions, en fait 3 par année. Moi, je trouve ça assez difficile. T'sais. Puis la région, exemple, si moi, mon centre régional, ce qui nous avantage, c'est que tout le monde n'y revient pas, la distance, c'est un désavantage, même pas un désavantage, c'est que ceux qui viennent à Chicoutimi viennent 2 ou 3 fois par semaine, ils viennent s'entraîner, ils font du voyagement, mais eux, ils sont là pour la performance. Puis c'est comme ça qu'on se développe. Fait que là, si on va retourner à 20, 15 ans en arrière, c'est parce que tout le monde était dans ces petits-là, tout le monde essayait de performer un et l'autre, mais personne n'était capable de s'entraider. Puis là, c'est surtout un réseau d'entraide que ça amène, c'est du développement. Puis je peux comprendre certains commentaires du niveau hockey, mais moi, je peux pas comprendre que dans les années de Véropole, avec notre ami Richard Martel, qui s'est rendu à la Coupe Memorial, la note était bien pleine, il y avait de l'ambiance, puis il y avait tout, qui vient pas se dire que ça ouvre le spectacle du hockey. Je suis un amateur de hockey personnellement, je vais régulièrement au SAG, je travaille de façon connecte avec les Saguenayens. Je suis bien content, mais je peux pas concevoir que cet élément-là que ça peut changer. Par contre, il y avait eu des. Tu me dis que tu es un amateur des Saguenayens. Tu te rappelles Frédéric Tremblay de Radio-Canada l'année passée, avait ça, je sais pas si tu avais vu l'article qui démontrait bel et bien que la glace olympique, historiquement, avait nui aux Saguenayens. Pas facile d'aller trouver des joueurs de. C'est sûr que c'est pas facile de chercher une bonne sélection de joueurs pour compléter une glace comme ça. Mais c'est un peu, je regarde la nouvelle gang qui sont là présentement, organisation avec Yannick Jean, qui est l'entraîneur, je pense qu'ils commencent à faire une bonne job, puis ça revient, je pense au contraire, il sait s'adapter. C'est sûr que c'est pas le même système de jeu dans une américaine que d'une internationale. Mais de là, est-ce que vraiment, on prend leur point de vue à ce niveau-là, mais on dénigre et ça veut dire qu'on délaisse les sports amateurs en fonction d'un sport en particulier, notre sport national, le hockey, puis les autres sports, on les dénigre au bout de la ligne. C'est ça que je trouve plate au niveau de la ville. Surtout que cet article-là, moi, ça me fâche un petit peu, c'est que personne n'a été consulté dans le milieu du patinage de piste. Est-ce que vous allez, t'es entraîneur, donc c'est pas t'es pas président, t'es pas... Est-ce que vous entendez faire quelque chose là-dessus? Parce que, peux vous dire que présentement, la fédération est déjà en pourparler. Ils n'ont pas choisi leur bon moment pour sortir cette affaire-là. Il y avait une compétition, il y a beaucoup de représentants au niveau national. On avait une compétition nationale à Montréal, parce que plusieurs Québécois, pour te dire, 10 patineuses québécoises, sur 32 patineuses du Canada, qui étaient aux sélections nationales là-bas, il y avait des patineuses qui provenaient de la région. Fait que, je pense que là-dessus, ils n'ont pas choisi un bon moment, puis déjà, au milieu du patinage de piste, déjà ébranlé, puis ça commence déjà à se parler d'avoir de monter un petit peu plus haut, là, puis je pense que c'est ce qui va arriver. C'est sûr, je vais parler à Robert Dubreuil tantôt, qui est mon collaborateur pour le patinage de vitesse, qui est le président de la fédération. Donc, je vais lui demander s'il a eu entendu parler de ça, puis quelle sera la position de la fédération, parce que, c'est une vache à lait, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour la fédération. Puis c'est ça, puis je veux pas dénigrer le hockey, mais on a des bons joueurs qui sortent de la région, mais ils sont jamais de hockey. Mais c'est beaucoup à cause du Midget 3. Mais après Midget 3, j'aimerais ça les voir. Ouais. Nommer les joueurs qui ont monté les lignes nationales, des choses comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Versus, si on regarde les Olympiques ici, nos Olympiennes, on les compte plus que sur les doigts de la main. Ouais. Fait que c'est un peu plat. Okay. C'est un peu... Là-dessus, je suis un petit peu fâché. Prochaine compétition, David, c'est quand qu'on se rappelle, là? En fait, j'ai une compétition élite dans deux semaines, à la fin du mois, fait qu'on va qui est à Montréal. Puis là, encore une fois, mots de Tremblay, Catherine Mailloux, ça va être là, j'imagine. Oui, c'est sûr que moi, j'ai des congés pour certaines athlètes qui ont fait beaucoup de compétitions cette année, dont Gabriel Paquet, qui est femme de Dolbeau, mais on va voir plusieurs autres personnes qui vont Fait qu'on s'en reparle dans deux semaines. Voilà, David Simard, le collaborateur patin de vitesse.